de souvenirs avec ce genre de titre. Merci d'avoir choisi Espace. 18h en Normandie Picardie, tout de suite un nouveau point d'actu national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Julien de Normandie, ministre chargé de la ville et du logement, s'est exprimé à Marseille après l'effondrement de deux immeubles. Il indique que des immeubles aux alentours menacent également de s'effondrer, ce qui ralentit les opérations de secours. On ne sait toujours pas en effet si les bâtiments étaient occupés quand ils se sont effondrés et s'il y a d'autres victimes que les deux passants blessés légèrement. Par ailleurs, des analyses sont en cours pour déterminer les causes de l'effondrement de ces deux immeubles dans le centre de Marseille, mais cela pourrait être lié aux fortes pluies qui se sont abattues sur la ville ces derniers jours, indique un communiqué de la ville de Marseille. Le gouvernement réfléchit à amender la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État et commencera à consulter les représentants des cultes dès la semaine prochaine, ont annoncé aujourd'hui les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Cela ne toucherait pas aux grands principes de liberté de culte et de neutralité de l'État, mais viserait à mieux encadrer le financement de l'islam en France, selon le journal L'Opinion, qui révèle le contenu d'un avant-projet de loi sur le sujet. Les enseignes de la grande distribution Leclerc et Carrefour ont annoncé aujourd'hui vendre le carburant à prix coûtant en novembre, entendant tirer parti de la grogne contre la hausse des taxes décidée par le gouvernement. Interrogé sur l'augmentation du prix qui interviendra le 1er janvier prochain, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a insisté sur le fait qu'elle ne serait pas suspendue. En signe de protestation, une mobilisation de grande ampleur est prévue le 17 novembre en France ainsi qu'en Belgique. En un an, le prix du diesel à la pompe a progressé d'environ 23% contre 15% pour celui de l'essence. 82 personnes, dont 79 élèves, ont été enlevées par des hommes armés non identifiés dans le nord-ouest du Cameroun. Cette région est en proie à un conflit armé entre des séparatistes réclamant l'indépendance des zones anglophones du pays et les forces de sécurité camerounaises. Cet enlèvement survient à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 1982. Il a été réélu pour un septième mandat avec 71,28% des votes. Enfin, l'Observatoire du football CIES a publié aujourd'hui une mise à jour de la valeur des transferts des joueurs du top 5 européen. C'est désormais le Parisien Kylian Mbappé qui est en tête de ce classement avec une valeur de 216 500 000 euros. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h-19h. Lancement de cette deuxième heure, Jack Jones avec Mabel pour Ring Ring Ring et tout de suite Daddy Yankee pour bouger son boule avec un doula. L'After School d'espace. Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir.

Vous retrouverez ce soir dès 21h et jusqu'à 23h avec Manu, mais également dans l'After School, mais aussi le Morning Light. On vous offre des passes VIP pour la nouvelle édition de la foire Saint-Romain-d'Oron jusqu'au 18 novembre. Pour l'instant, 18h31, l'info locale et régionale. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Une enquête criminelle a été ouverte après la découverte hier soir d'un corps emballé dans une bâche retrouvée sur les bords de Seine à Saint-Étienne-du-Rouvray. L'homme a été décapité, ses mains sectionnées, le pied droit coupé ainsi que la jambe gauche au niveau du genou. Il pourrait s'agir d'une mort récente. Une autopsie doit être pratiquée sur le corps. Au Havre, un adolescent de 12 ans a été interpellé hier, soupçonné d'avoir menacé son ancienne principale adjointe de collège à l'aide d'une arme factice. Le garçon aurait d'abord jeté un œuf sur la voiture de la responsable de l'établissement. Puis, alors qu'elle était sortie nettoyer son véhicule, l'ado s'est introduit dans l'enceinte du collège Descartes où la principale adjointe habite, un logement de fonction, et l'aurait alors menacé avec l'arme factice. Le jeune homme a été exclu du collège en juin dernier pour avoir rapporté un couteau. Arrêté et placé en retenue judiciaire, le jeune sera convoqué devant la justice en décembre prochain. Le procès de trois jeunes hommes radicalisés soupçonnés d'avoir voulu braquer le manoir de luxe de Portejoie dans l'Eure en 2016 pour financer un départ en Syrie et rejoindre l'État islamique s'est ouvert ce lundi à Paris. Le jugement est attendu demain. Le SAMU de l'Oise, basé à Beauvais, a reçu plus de 400 000 appels en 2017. Une saturation qui s'expliquerait par la progression de la désertification médicale dans le département, d'après la direction. Malgré tout, selon une enquête du magazine Le Point publiée en août dernier, le SAMU de Beauvais ferait partie des bons élèves concernant le taux de réponse des appels au SAMU, avec 99,9% des appels pris en compte. Les membres du collectif La Garenne, qui viennent en aide à des migrants sans logement, ont de nouveau été délogés cet après-midi à Grand Couronne. L'évacuation du bâtiment qui appartient à l'Agence régionale de santé s'est passée dans le calme et sans résistance. Après l'évacuation du hameau des Brouettes et l'expulsion d'un autre squat rue de Joyeuse à Rouen, le collectif réfléchit à une nouvelle action d'occupation. Le collectif Abolissons la Vénerie compte depuis le mois de septembre une première antenne en Seine-Maritime. Alexandre Léno. Situé près de Dieppe, elle compte désormais une vingtaine de membres. Radicalement opposés à la chasse à courre, ils se sont mobilisés à deux reprises, et notamment samedi dernier près de Bellencombre, en forêt des Avis, pour traquer les veneurs du rallye de Roumar. Explication de Laetitia de Roc, fondatrice du collectif en Normandie. On a été les rejoindre à la sortie de la messe, on les a attendus en sortie. On a simplement filmé. Ensuite, on les a suivis jusqu'au vin d'honneur qui se passait au chenil, là où tous les chiens sont. Une partie de notre équipe les a perdus à ce moment-là. Donc on n'avait plus qu'une partie d'équipe en forêt. Mais le principal pour nous, c'est qu'on ait pu quand même montrer une présence, montrer qu'on était là et avoir quelques images quand même. C'est typique à avoir. C'est tous les samedis, nous sommes de sortie, balades en forêt avec nos plus beaux sourires. L'objectif du collectif, informer le public sur le déroulement d'une chasse à courre, un loisir particulièrement violent selon les anti-chasses du collectif. C'est une chasse qui peut durer 7 à 8 heures. L'animal est traqué jusqu'à plus fin, fini noyé ou dans un état lamentable. Là, par exemple, dans le rallye d'Omar, ils ont 80 chiens. Déjà, il y a les suiveurs, ils sont moins une cinquantaine. L'équipage, ils sont une vingtaine. Pour saccager la forêt avec les 4x4, en passant à droite à gauche pour essayer de voir le cerf se faire traquer. 4 équipages de chasse à courre existent en Seine-Maritime. 8 communes roises viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle. Avec Saint-Surepte, La Couture-Boussée, Chamblac, Chambord, Fontaine-l'Abbé, Bernay et Brionne pour des inondations et coulées de boue. Et puis Buret en raison d'un mouvement de terrain des sinistres intervenus entre mai et août dernier. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, après une belle période ensoleillée en matinée et quelques nuages à la mi-journée, c'est le retour de belles éclaircies. Dans l'après-midi, 13 degrés sur le plateau du Neubourg, 14 degrés sur Pont-Audemer, la métropole Rouen-Normandie, Louviers, Évreux, Vernon, les Andelys, Gisors et le Pays de Bray, et une pointe à 15 degrés sur Beauvais. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 14 degrés, indice de l'air 4 et 5, c'est moyen, veuillez ralentir. On attaque cette nouvelle demi-heure avec The Prince Karma et Later Bitches.

des airs à l'instant, je me dis que toi aussi, que tu vas kiffer ce qui va arriver dans la catégorie des sons que vous choisissez. On m'a demandé ce titre-là, Souvenir. En intégralité, juste après ça, 18h53. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le lundi 5 novembre. Ce soir sur TF1, un téléfilm dramatique français, Le jour où j'ai brûlé mon cœur, Michael Youn est au casting et une fois encore, il va prouver que c'est un très grand comédien. Camille Chamou est également au casting, elle, de son côté, va prouver qu'elle est capable de faire autre chose que des gaudrioles. L'histoire d'un ado en surpoids qui tente d'en finir avec la vie en s'immolant par le feu. Ses parents et le conseiller principal sont totalement effondrés et cherchent à comprendre avant de découvrir qu'il subit c'est un énorme harcèlement scolaire. C'est tiré d'une histoire vraie. 23h10, on revient sur le calvaire de Jonathan dans un documentaire. France 2, c'est une soirée spéciale Victor Hugo avec un téléfilm en première partie de soirée, Ennemi d'État, 22h55. Léa Salamé, notre copine qui cache sa petite bouche quand elle rigole parce qu'elle est trop timide. Stupéfiant, toujours sur Victor Hugo. France 3, faut pas rêver, nous sommes sur le toit de l'Europe, c'est-à-dire dans les Alpes. Canal, le bureau des légendes, qu'est-ce que c'est bien foutu, je suis super fan, j'adore. Arte, la chambre des officiers, c'est un drame français avec Denis Podalydès, Samy Nazema et André Dussolier. L'histoire se passe en 1914, c'est un lieutenant qui est totalement défiguré par un éclat d'obus. Il va devoir réapprendre à vivre avec ses souffrances. M6, l'amour est dans le pré, je me demande un truc, hein. Est-ce qu'au fur et à mesure des saisons, les prétendants et les prétendantes ne sont pas là spécialement et uniquement pour passer à la télé? Parce qu'il y en a certains ou certaines, hein, quand tu vois, tu comprends très vite qu'il y a une improbabilité à vivre à la campagne, c'est flagrant. Le meilleur de la TNT, c'est vite. Trump est-il vraiment fini? C'est un inédit. W9, la planète des singes, l'affrontement, a rien à voir avec la barbe étrange de mon ami Jean-Marc. Oui, je vous en ai déjà parlé, de mon ami le criquet du Gers. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ils sont incontournables. Sur Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. C'est Dorian qui prend le relais. Je souhaite une très bonne soirée. Pour ma part, rencardement entre 17h et 19h pour de nouvelles aventures. Laissez-moi vos demandes à ludo@espace.fm. Un titre de n'importe quelle décennie. Pas de soucis. Voici Mylène Farmer avec Désenchanté. Ciao, à demain. Oh, Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie et bonne reprise. Nous sommes le lundi 5 novembre, il est 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. À Marseille, les pompiers ont provoqué l'effondrement d'un troisième bâtiment. Cet immeuble avait été fragilisé par l'effondrement de deux immeubles ce matin dans le centre-ville. Les opérations de secours se poursuivent. Selon le ministre chargé de la ville et du logement, Julien de Normandie, c'est une course contre la montre. On ne sait toujours pas en effet si les bâtiments étaient occupés quand ils se sont effondrés et s'il y a d'autres victimes que les deux passants blessés légèrement. Une délégation d'ambulanciers parmi la centaine qui a mené aujourd'hui une opération escargot à Paris a été reçue en début d'après-midi par le ministère de la Santé pour présenter leurs revendications. Ce matin, un cortège appuyé par la présence de plusieurs taxis avait ralenti la circulation en direction de la place Vauban dans le 7e arrondissement de la capitale. Les ambulanciers dénoncent l'entrée en vigueur au 1er octobre de l'article 80 du financement de la sécurité sociale qui donne la responsabilité du financement des transports des patients directement aux établissements de santé. Le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné Merck à mettre l'ancienne formule du Levothyrox à la disposition des plaignants qui avaient assigné le laboratoire. Les 48 plaignants des hommes et des femmes qui souffrent de problèmes de thyroïde demandaient le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ainsi que 30 000 euros de dédommagement chacun pour préjudice moral et préjudice d'anxiété. Ils estiment que la nouvelle formule du médicament est à l'origine de nombreuses complications. Les intempéries entraînent des dégâts en série sur la route du Rhum. En effet, 24 heures après avoir pris le départ de la route du Rhum, deux des favoris Sébastien Josse et Thomas Coville ont subi aujourd'hui d'importantes avaries sur leur bateau. Au dernier pointage, François Gabart tient la tête de la course avec derrière lui à seulement 25 000 nautiques Armel Lecléac, revenu dans la course après un arrêt express d'une demi-heure dimanche soir pour une réparation technique mineure. Enfin, les Spice Girls ont annoncé repartir en tournée. Plusieurs dates d'une série de concerts au Royaume-Uni qui débutera l'été prochain ont été dévoilées. Attention toutefois, les artistes ne seront pas 5 mais 4. Victoria Beckham ne fera en effet pas partie de l'aventure. Sur la plus normande des radios, Dorian. La journée fut dure avec la reprise du travail et de l'école, alors on oublie tout dans l'afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. Et justement, l'afterwork de ce lundi soir démarre maintenant avec Martin Garrix et Bonsai, High Town Life. Bonne soirée. Feel the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I'd walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. High on life till the day we die. High on life till the day we die. Fingers out of sight, how could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. To see you smile till the day I die. Oh,